Zoom arrière plongé sur un gamin de 8 ans. Sac à dos, je pars à l'école, rejoint par un groupe d'enfants. Les bancs craqués, la classe était en contreplaqué. Goudron frais, la cité n'était même pas terminée. Trop occupé à parler de nos billes et des soldats qu'on allait jouer. On n'a pas entendu l'engin débouler. Pour un gosse, on peut imaginer le choc lorsqu'on voit un camion passer sur le corps de son pote. Changement de décor, plus le même âge, le break fait son entrée. Je fuis les cours comme un oiseau fuit sa cage. On se rencontre, on danse ensemble, des liens se créent, une amitié née. C'est comme ça qu'un groupe est formé quelques années après une dispute de coups de schlasse. Ta liberté s'envole comme une perdrix en période de chasse. Je garde en mémoire tous ces instants qui ont marqué ma vie et me la font apprécier doublement depuis. En somme, nous sommes tout comme de simples additions. L'accumulation de choix, des intersections sans rémission, faut assumer. La moindre erreur peut si vite plonger dans la fatalité. En somme, nous sommes tous tout comme de simples additions. Mike, on assomme un rap du cœur, notre direction. Je garde en mémoire tous ces souvenirs qui font de moi ce que je suis. C'est comme les miens, je peux pas les trahir. T'es jeune, teigneux, t'as peur de rien, le monde t'appartient. Bagarre à chaque coin de rue, la suivante, je me frotte les mains. Le lycée n'était qu'une ère de combat où j'attendais le week-end. Et là, comme un phénix, je renaissais, torché toute la soirée. Senti mal, dégueulé, quelle heure, 11h, allons traîner au village d'à côté. Tigre fou est indomptable, ça finissait en castagne, femme en cavale. Coup de bouteille, chaise volante, ça t'étale de tous les côtés. Voilà comment se retrouver, coincé, armé d'un grand arrêt. Dans le tas, j'ai frappé, perdu le sommeil pendant 10 jours, 10 nuits. En apprenant ce soir-là, deux mecs sont restés sur le parvis, partis en déclenchant la peur la plus intense qui ne cessa que lorsqu'un autre a dû subir la sentence. Mon enfance s'est passée en partie sans mon père. Mère faisait ce qu'elle pouvait, j'avoue, pour elle c'était l'enfer. Je réalise combien, peut-être bête, merdeux, à chacun de ses départs, comme un con, j'étais heureux. Plus vieux, plus mûr, j'ai compris plus tard les sacrifices qu'ils ont fait pour ne pas qu'on devienne clochard. Ma grand-mère a disparu sans prévenir. Je sais à présent qu'au même instant, un enfant naissait au Cachemire. Ma première caisse d'occasion, cassait pas des briques. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire, les macs, quand on sortait avec ma clique? Les concours de danse, les flash breakers. Dans les boîtes, y avait toujours des nazes à remettre à l'heure. Je garde en mémoire toutes ces choses dont je suis la somme. C'est son vécu qui fait de l'homme un homme. Et si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'à certains croisements, ce sont les bonnes décisions que j'ai prises. Et maman n'aura pas passé cette nuit sous les ponts pour rien. Son fils sait ce qu'il sera demain. En somme, nous sommes tout comme de simples additions. L'accumulation de choix, des intersections sans rémission, faut assumer. La moindre erreur peut si vite plonger dans la fatalité. En somme, nous sommes tous tout comme de simples additions. Mike, on assomme un rap du cœur, notre direction. Je garde en mémoire tous ces souvenirs qui font de moi ce que je suis. C'est comme les miens, je peux pas les trahir. En somme, nous sommes tout comme de simples additions. L'accumulation de choix à des intersections sans rémission, faut assumer. La moindre erreur peut si vite plonger dans la fatalité. En somme, nous sommes tous tout comme de simples additions. Mike, on assomme un rap du cœur, notre direction. Je garde en mémoire tous ces souvenirs qui font de moi ce que je suis. C'est comme les miens, je peux pas les trahir. Non, impossible de trahir. Mars, on ouvre le bal, on y inaugure. Si ça t'est shuriken, c'est de bonne augure. On représente les nôtres.